ces castels, j'aime les filles de ces régimes, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de ces Renault, j'aime les filles de ces Citroën, j'aime les filles des hauts fourneaux, j'aime les filles qui travaillent à la scène. Comme ça, téléphonez-moi. Et vous êtes comme si, j'aime les filles. J'aime les filles à date. J'aime les filles à papa. J'aime les filles de l'autre. J'aime les filles sans papa. J'aime les filles de Megève, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper. La Rochelle, j'aime les filles de Camaret, j'aime les filles intellectuelles, j'aime les filles pour marrer, j'aime les filles qui font vieille France, j'aime les filles du cinéma, j'aime les filles de l'assistance, j'aime les filles dans l'embarras. Téléphonez-moi. Si vous êtes comme ci, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça.